Chapitre 8. Madame Even entra dans le cabinet de son fils, inoccupée à 7 heures de l'après-midi. Elle en fit le tour, en glissant sur chaque meuble son coup d'œil observateur de ménagère. Au milieu de la pièce, elle s'arrêta pour considérer avec complaisance l'ensemble sérieux et sobrement élégant formé par Raymond à l'aide de ses beaux meubles de famille. Rien, ici, ne rappelait le luxe banal dont s'entouraient beaucoup de ses confrères arrivés. Ce cadre, où flottait un doux parfum de tradition, était bien celui qui convenait à l'homme dont toute la vie, jusqu'à ce jour, se résumait dans ses devoirs de croyant, de fils et de français. Madame Even s'approcha d'une fenêtre ouverte. Elle posa ses mains sur le balcon et regarda machinalement droit devant elle vers le petit parc de l'hôtel voisin. La journée était grise. Une fraîcheur humide montait du sol mouillé sur lequel s'égouttaient les branches déjà garnies de bourgeons. Un peu de brume s'étendait dans la profondeur des allées, dans l'entrelacement des ramures. Madame Even se recula et ferma la fenêtre. En se détournant, elle vit Raymond qui entrait, sa serviette sous le bras. « Ah, te voilà, mon chéri !»« Me voici, maman. Je rentre plus tôt. J'avais moins à faire au palais aujourd'hui. » Il posa sa serviette sur le bureau et vint à sa mère avec un sourire au fond des yeux. « Vous veniez passer votre inspection, chère maman. Dominique a-t-il tout rangé et nettoyé à votre gré ?» Elle fit un signe affirmatif. Ses yeux s'attachaient sur le visage souriant de son fils. Elle demanda « Que fais-tu ce soir ?»« Mais j'ai une conférence au Cercle du Luxembourg. L'avez-vous oublié ?»« Non, pas du tout. Tu ne te décides donc pas à faire une apparition à la soirée du président ?»« Non, chère mère, je me suis excusée, tout est en règle. »« Ariane espère cependant que tu reviendras sur ta décision. » Elle a tort. Ma conférence est finie, je m'empresserai de rentrer. Le président Daubré m'est peu sympathique, comme vous le savez, et nous avons très peu de relations communes. En outre, toutes ces corvées mondaines manquent d'intérêt, et comme rien ne m'oblige à celle-ci... N'as-tu pas le désir de voir comme Mademoiselle Daubré sera délicieuse dans cette toilette que nous avons choisie ensemble, elle et moi ? Il eut un mouvement brusque en regardant sa mère avec une stupéfaction mêlée de reproches. « C'est vous qui me parlez ainsi ? Mais je suis certain pourtant que vous avez deviné. Oui, vous savez bien que je suis assez fou pour l'aimer. » Elle se pencha en rapprochant son visage de celui de son fils. Le regard anxieux de Raymond se reposa dans ses yeux tendres où tout l'amour maternel rayonnait. « Oui, je le sais, mon enfant, et je l'ai redouté pour toi, cet amour, dès que j'en ai surpris l'éclosion. Je n'ignorais pas quelle lutte tu aurais à soutenir entre lui et ton devoir. Ariane joint à son charme physique tant de qualités ravissantes. Et elle t'aimait. Mon chéri, comme j'ai prié pour toi. Et voici qu'une inspiration me vint d'en haut. Je me mis à étudier cet enfant, à causer avec elle. » Ainsi, je pus me convaincre de sa valeur morale, demeurée en friche, mais qui serait si facilement cultivée. Le cœur restait droit et pur. Il ne manquait à cette âme que l'éducation chrétienne et le réveil des traditions qui furent aussi celles de sa famille avant que le président s'en affranchît. Je m'aperçus qu'elle y aspirait instinctivement, pauvre petite âme tourmentée par le problème de la vie. Alors, je l'attirai plus souvent, je devins son amie, sa conseillère. Cela se fit très simplement par une entente tacite. Elle venait à moi parce qu'elle sentait que je l'aimais et que j'avais un peu de lumière, un peu de vie à lui communiquer. Nous causions très intimement. Les questions religieuses faisaient très souvent l'objet de nos entretiens. Puis je lui parlais de nos traditions familiales, de tout ce que nous aimons et respectons. Et je voyais cette jeune âme s'ouvrir à une nouvelle vie. Je la voyais devenir chrétienne, devenir ma fille. Tandis que Madame Even parlait, elle sentait Raymond frémir contre elle. Dans ses yeux, elle voyait monter une joie brûlante. Quand elle se tut, deux bras l'entourèrent et la voix un peu haletante de Raymond s'éleva. « Maman, vous avez fait cela pour moi. Ariane, croyante, Ariane, ma femme, et c'est vous, mère bien-aimée, qui me l'a donnée, toute pénétrée de votre esprit, de votre enseignement, de votre cœur. » Le terrain était admirable. Toutes les bonnes semences y germeront. Tu continueras la tâche commencée, tu en feras une femme digne de toi. » Elle embrassa le front qui s'appuyait contre elle. Raymond se redressa un peu, mais un de ses bras resta autour des épaules maternelles. Madame Even le regardait, de cet air gravement pensif que Raymond prenait aussi parfois et qui mettait entre leurs physionomies tant de ressemblances. « Tu as souffert, mon enfant, tu as lutté et vaincu. » « Oui, j'ai souffert. Si encore, j'avais pu ne pas la revoir. Mais presque chaque jour, je me rencontrais avec elle. Ah, je l'aime. Chère mère, je crains de l'aimer trop. » Mon Raymond se souviendra qu'il est chrétien et que les passions humaines sont éphémères. Aime ta femme, mon enfant, aime-la de toutes les forces de ton cœur, mais sans jamais permettre que cet amour terrestre empiète sur celui que tu dois à Dieu, ni qu'il affaiblisse ta vie de croyant. » Elle le regarda encore longuement. Une brûlante allégresse semblait éclairer tout ce visage d'homme. Madame Even dit pensivement, « Elle aussi doit t'aimer comme tu l'aimes. Garde toujours ton influence sur elle pour l'élever jusqu'à toi. Fais-en la reine de ton foyer, mais toi, reste le roi. Voilà ce qui doit être. Tu y penseras toujours, mon enfant. Jamais je n'oublierai que je dois, dans le moindre détail de mon existence, me montrer digne de la plus admirable des mères. » Madame Even sourit aux yeux qui la regardaient avec une douceur tendre. « Alors, persistes-tu à ne pas aller ce soir chez le président ?» Il eut un rire jeune et vibrant. « Ah, chère mère, maintenant j'irai. Je veux la voir, mon Ariane, puisqu'il m'est permis de l'aimer. » Madame Even murmura. « Oui, je savais bien que tu avais peur d'elle et peur de toi. » Très tard, ce soir-là, sa conférence finie, Raymond vint revêtir sa tenue de soirée, puis monta chez le président d'Aubray. On dansait dans le salon et dans le cabinet du maître de maison. Ariane, un peu à l'écart, causait avec le bâtonnier qui venait d'arriver, lui aussi, un peu tardivement, car il ne faisait qu'une courte apparition. Elle devint très rose à la vue d'Even qui s'inclinait devant elle, et l'émotion se percevait dans sa voix quand elle dit « Vous êtes donc revenu sur votre résolution? Comme c'est aimable et bon cela !» Le bâtonnier se mit à rire tout en serrant la main de Raymond. Il en sera récompensé en devenant le cavalier de notre délicieuse hôtesse. Allons, je vous laisse, jeunes gens, j'éloigne de vous ma cinquantaine morose qui n'a que faire ici. » Il s'éloigna et sa maigre personne se perdit parmi les habits noirs. Raymond demanda « Voulez-vous danser, mademoiselle ?»« Non, je n'y tiens pas du tout. « Je me sens un peu fatiguée. Asseyons-nous et causons, voulez-vous » Ils gagnèrent le cabinet d'Ariane, aménagé en petit salon de repos. Du canapé d'angle où ils étaient assis, ils voyaient les danseurs évoluer dans le salon voisin. Pendant un long moment, ils échangèrent de petites phrases courtes, entrecoupées de grands silences. Ils disaient des choses banales, alors que tant d'émotions passionnées frémissaient en eux, se reflétaient dans leurs regards lorsqu'ils se rencontraient. Chacun des mouvements d'Ariane produisait un doux bruissement. Le tulle gris-argent ondulait sur un dessous de soie rose et l'ensemble formait une nuance délicate d'une élégance discrète et rare. « Ma mère m'a appris que vous aviez choisi cette toilette en collaboration avec elle, mademoiselle. » « Oui, j'ai voulu avoir son conseil. La trouvez-vous jolie ?»« C'est la chose la plus exquise que j'ai jamais vue. » Elle rit gaiement, mais l'émotion s'augmenta dans ses yeux qui venaient de voir tant d'admiration en ceux de Raymond. « Il faudra aussi en faire compliment à madame votre mère. Son goût si fin m'a guidée en me faisant éviter quelques exagérations fâcheuses. J'ai toujours trouvé le vôtre très sûr cependant. » De nouveau, ce fut le silence. les banalités ne parvenaient plus à passer sur leurs lèvres. La danse finissait et Ariane alla de nouveau se mêler à ses hôtes. Les hommes l'entouraient. Elle leur témoignait une amabilité réservée, un peu fière. De loin, Even, tout en causant avec un de ses confrères, ne la quittait pas des yeux. Elle apparaissait dans toute sa royauté de femme, dans tout l'éblouissement de sa beauté, en ce cadre de fête. Raymond sentait son cœur battre plus vite, sous la poussée d'une enivrante joie. Échappant à son interlocuteur, il fit quelques pas pour se rapprocher de la jeune fille. À ce moment, l'orchestre préludait de nouveau. Ariane répondit aux instances de quelques-uns de ses admirateurs qu'elle ne danserait plus ce soir. Voyant Even qui s'approchait, elle posa la main sur son bras. « Conduisez-moi là-bas, je voudrais m'asseoir encore un peu. » Raymond dit à mi-voix, « Je désire vous parler, vous dire quelques mots seulement. » Elle appuya un peu plus sa main en indiquant au jeune homme, par ce mouvement, une profonde embrasure de fenêtre devant laquelle se dressaient de hautes plantes vertes. Maintenant, ils étaient là tous deux, en face l'un de l'autre. L'ombre des feuillages atténuait l'éclat de la lumière. Ils étaient seuls et Raymond disait « Vous avez compris, vous savez ce que j'ai à vous demander ?» Ariane baissa un peu les paupières. Un émoi très jeune, très délicat, empourprait son visage. Ce n'était pas l'indépendante Ariane, déjà femme par les manières, l'esprit, les connaissances. Raymond avait devant lui une vraie jeune fille qui attendait en tremblant un peu le premier aveu d'amour. « Vous avez compris, Ariane, vous savez que je vous aime ?»« Oui, je le sais, mais vous ne pouviez pas épouser une incroyante. »« Ma mère m'a dit que vous ne l'étiez plus. » « C'est vrai, je crois comme vous. Maintenant, mon âme est en paix. Vous vous souvenez que je vous ai confié, parfois, mes incertitudes, mes angoisses ?»« Oui, je me souviens, et je vous plaignais tant. Désormais, si vous voulez bien accepter mon nom, je vous aiderai à conserver, à augmenter cette paix qui est née de la foi. » Elle dit simplement, « Vous savez aussi que je vous aime, Raymond. » « Je serai votre femme. » Il lui prit la main et y appuya ses lèvres. En relevant la tête, il échangea avec elle un regard de tendresse passionné. « Je voudrais vous dire à quel point vous m'êtes cher. Vos yeux me le disent, Raymond. » Elle lui souriait. Son regard avait un éclat de bonheur qui éblouissait Even. « Ma bien-aimée, j'ai tant souffert en pensant que vous ne seriez pas à moi. » Elle dit, avec un accent d'admiration fervente, « Comme vous êtes fort, comme il sera bon de s'appuyer sur vous !» L'ombre des feuillages s'étendait sur les cheveux bruns qui avaient ce soir de doux reflets clairs. Un peu de lumière arrivait jusqu'au jeune visage frémissant. Ariane ajouta, « J'ai demandé à Madame Even de m'aider à devenir comme elle. » La dignité, le bonheur d'une femme et de ceux qui l'entourent sont renfermés dans les devoirs que votre mère accomplit si simplement parce qu'elle est une âme forte et croyante. Et c'est une âme semblable qu'il faut près de vous, Raymond. » Sa main s'abandonnait dans celle d'Even dont la chaleur la pénétrait. À chacun de ses mouvements, les petites perles de son collier glissaient en chatoyant sur la blancheur légère du cou. Il dit ardemment, « C'est vous qu'il me faut !» Il serra sa main plus fort et ajouta, « Je vous veux, avec vos défauts et vos qualités, avec vos défauts qui disparaîtront dans notre atmosphère familiale, avec vos qualités charmantes, votre cœur resté pur et cette délicatesse d'âme que j'ai découvert en vous un jour. Car vous saviez qu'il vous était possible de troubler ma vie, de rendre plus dure encore la lutte entre mon amour et mon devoir. » Vous pouviez espérer me vaincre, et vous vous êtes écarté pour m'épargner une grande souffrance. Cela, je l'ai compris, Ariane, et je vous en bénis. » Elle dit avec une gravité tendre, « Je n'aurais pu supporter que, même pour l'amour de moi, vous vous diminuiez à mes yeux, et je me serais méprisé moi-même si j'avais eu la faiblesse de vous inciter à manquer à votre devoir. » Elle se tut un instant et ajouta, d'une voix un peu assourdie, « Cependant, comme vous m'étiez cher, et c'est vous qui m'avez enlevé à l'égoïsme, à la mer dédain de tout, vers lequel tendait mon âme désillusionnée. Votre exemple parlait très haut. Je l'ai suivi de loin, de très loin encore. Je me suis alors sentie plus forte. La vie m'a paru moins dure, avec la perspective du devoir à accomplir pour conserver votre estime. Oui, vous doutez-vous, Raymond, que j'ai évité toutes les défaillances qui guettaient ma jeunesse dépourvue de guide moral, mon cœur privé d'affection familiale, en pensant que je voulais toujours pouvoir mériter l'estime entière de celui qui est à mes yeux tout l'honneur, toute la beauté morale, toute l'énergie dans le devoir. » Il murmura passionnément, « Ariane, mon Ariane, tant aimée !» Elle pencha un peu la tête en le regardant avec une sorte de ferveur. « Il m'est doux de vous entendre dire cela. Jamais je n'aurais pu l'entendre d'un autre. Personne ne l'aurait dit comme vous, Raymond. Personne n'aurait eu ce respect et cette tendresse forte que je vois dans vos yeux. Du respect et de la tendresse, c'est bien ce que je vous offre, en effet, et c'est tout le secret du bonheur conjugal. » L'orchestre rythmait un air espagnol qui faisait fureur cet hiver-là. Les couples passaient en dansant devant le rideau de feuillage. Des coups d'œil se dirigeaient de ce côté. On chuchotait. « Voilà Mademoiselle Daubré qui flirte avec son confrère, le bel Even. » Ariane demanda, « Madame Even veut bien de moi pour sa fille ?»« Ma mère vous a en profonde estime et affection. » C'est elle qui m'a révélé ce que vous savez, ce que vous êtes. Je l'aime tant moi-même, et quoi que vous en disiez, j'ai tant à apprendre d'elle. Telle que je suis, vous trouveriez le bonheur près de moi pendant quelque temps, puis l'habitude vous permettrait de mieux discerner mes défauts, les lacunes de mon éducation morale. Vous en souffririez et vous m'aimeriez moins. Mais moi, je veux que vous m'aimiez toujours comme aujourd'hui, autrement peut-être, mais autant. Il faut que vous trouviez en moi la femme qui vous comprenne, dans toute la délicatesse de votre pensée, dans toutes vos ardeurs de croyant. Il faut, mon ami, que votre âme pénètre la mienne pour l'élever jusqu'à elle. » Il dit avec surprise, « Vous prononcez les mêmes paroles que ma mère tout à l'heure, quand je lui ai dit combien je vous aimais. Je voudrais qu'elle vous entendît. Oui, je serai votre conseiller, Ariane. Je serai votre époux dans toute l'acception de ce mot qui renferme tant de devoirs. » Il s'interrompit un instant et ajouta, avec un sourire tendre, « Mais votre indépendance, que dira-t-elle de se plier ainsi sous l'influence maritale ?»« Mon indépendance, elle n'existe plus puisque vous m'aimez et que je vous aime. Je vous l'offre tout simplement. » Je l'immole devant vous, et ce sacrifice que je n'aurais consenti à nul autre me paraît très doux. » Elle fit un mouvement qui mit son visage en pleine lumière. L'émotion veloutait le violet de ses yeux où rayonnait son jeune bonheur. Le tulle gris-argent frissonna sur la soie rose et les petites perles chatoyèrent autour du cou. Les dernières mesures de la danse espagnole se faisaient entendre. Ariane dit avec un accent de regret, « Retournons maintenant, j'irai voir Madame Even demain. Elle vous attendra dans la matinée s'il vous est possible de venir. » « Eh bien, vers 10 heures, vous serez là ?»« Oui, je m'arrangerai pour cela, nous avons tant à nous dire. » Ils échangèrent une longue pression de main, un regard d'ardente tendresse. Puis ils retournèrent se mêler aux invités du président. Even, très regardé, très recherché, causait machinalement. Toute sa pensée restait près d'Ariane, qui riait doucement en répondant d'un air distrait à ses admirateurs et en songeant à Raymond.